Section 18 de Les Natchez par François-René de Chateaubriand. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Johan. Deuxième partie, suite. Dès le soir même, Chelouta se rendit à la grotte des rochers et Mila à la caverne des reliques. En approchant de celle-ci, le souvenir des instants passés dans ces mêmes lieux se présenta vivement au cœur de Mila. Les Sachem n'étaient pas dans la caverne. Mila n'entendit rien. La mort ne raconte point son secret. Chelouta n'avait pas été plus heureuse. Les deux sœurs rentrèrent non instruites, mais non découragées, se promettant de recommencer leur course. Outougamiz fut plusieurs jours sans paraître. Adario l'avait emmené dans le souterrain où s'assemblaient les chefs des conjurés et où l'on s'efforçait, par les tableaux les plus pathétiques de la patrie opprimée, par les plus grossiers mensonges sur René, par toute l'autorité du grand prêtre, de lutter contre la force de l'amitié. Lorsque le frère de Chelouta voulut sortir, les gardes du soleil eurent ordre de le suivre de loin. Les Sachem et Adario lui-même marchaient à quelque distance sur ses traces. Il se rendit à la cabane de René. Chelouta était absente. Mila, solitaire, attendait le retour de son amie. En voyant entrer Outougamiz, elle lui sourit d'un air de tendresse et de surprise. Mila avait quelque chose de charmant. On aurait passé ses jours à la voir sourire. « Je croyais, dit-elle à son mari, que tu m'avais abandonnée. Où étais-tu donc allée? Je ne t'avais pas revue depuis le jour où tu es revenue du désert. » Elle fit signe à Outougamiz de s'asseoir sur la natte. Outougamiz répondit qu'il était resté avec les Sachem, et plein d'une joie triste, en entendant Mila lui parler avec tant de douceur, il s'assit auprès d'elle. Mila suspendit ses bras au cou du jeune sauvage. « Tu es infortunée, lui dit-elle, et moi, je suis malheureuse. Après une si longue absence, pourquoi n'es-tu pas venu plus tôt me consoler? Tu n'as plus ta raison. J'ai à peine la mienne. Retirons-nous dans les forêts. Je serai ton guide. Tu marcheras appuyé sur moi, comme l'aveugle conduit par l'aveugle. Je porterai les fruits à ta bouche. J'essuierai tes larmes. Je préparerai ta couche. Tu reposeras ta tête sur mes genoux lorsque tu la sentiras pesante. Tu me diras alors le secret. René viendra nous trouver et il pleurera avec nous. « Qu'il ne pleure pas, dit Outougamiz. S'il pleure, je parlerai. Je veux qu'il me promette de ne pas m'aimer, afin que je tienne mon serment. S'il dit qu'il m'aime, je le tuerai, parce que je trahirai mon pays. » Mila crut qu'elle allait découvrir quelque chose, mais toutes ses grâces et toutes ses séductions furent inutiles. Ses caresses, dont une seule aurait suffi à tant d'autres hommes pour leur faire vendre la destinée du monde, échouèrent contre la gravité de la douleur et contre la foi du serment. Mila trouva dans son mari une résistance à laquelle elle ne s'était pas attendue. Elle ignorait à quel point Outougamiz était passionné pour la patrie, quel empire la religion avait sur lui, quelle force ajoutait à sa vertueuse résistance l'idée que René était coupable et que ce blanc pourrait apprendre le secret aux autres blancs si le secret lui était révélé. Chelouta, qui ressemblait davantage à son frère et qui le connaissait mieux, avait désespéré dès le premier moment de lui faire dire ce qu'il croyait devoir taire. Elle l'admirait en versant des larmes. La saison déclinait vers l'automne, saison mélancolique où l'oiseau de passage qui s'envole, la verdure qui se flétrit, la feuille qui tombe, la chaleur qui s'éteint, le jour qui s'abrège, la nuit qui s'étend et la glace qui vient couronner cette longue nuit, rappelle la destinée de l'homme. Les grands jeux devaient être bientôt proclamés. Le jour du massacre approchait. Aucune nouvelle de René ne parvenait à Chelouta. L'Indienne ne savait plus si elle devait craindre ou désirer le retour du voyageur. Un matin, elle vit entrer dans sa cabane le religieux d'une mission lointaine. Ce n'était pas un prêtre d'autant de science que le père Souël, ni d'un zèle à provoquer le martyr, mais c'était un homme charitable et doux. Il ne se mêlait jamais de ce qu'il ne regardait pas et ne cherchait à convertir les âmes au Seigneur que par l'exemple d'une bonne vie. Il portait la robe et la barbe d'un capucin, sans orgueil et sans humilité. Il trouvait tout simple que son ordre eût conservé les usages et les habits d'autrefois, comme il lui semblait tout naturel que ses usages et ses habits eussent changé. Chelouta s'avança au-devant du missionnaire. « Chef de la prière, lui dit-elle, « tu m'honores de venir à ma hutte, mais le maître n'est pas ici, et je crains qu'une femme ne te reçoive pas aussi bien que tu le mérites. » Le père lui répondit, en s'inclinant, « Je ne vous aurais pas importuné de ma visite si le capitaine d'Artaguette ne m'eût ordonné de vous apporter une lettre de votre mari. » Chelouta rougit d'espérance et de crainte. Elle prit la lettre que le missionnaire lui présentait et la pressa sur son cœur. Mila, qui était avec sa sœur dans la cabane et qui tenait la petite Amélie sur ses genoux, ne voulait pas qu'on se donnât le temps de servir la cassine aux religieux, impatiente qu'elle était d'entendre l'explication du collier. Chelouta, plus hospitalière, prépara le léger repas. Tandis qu'elle s'occupait de ce soin, le religieux, voyant la fille de René dans les bras de Mila, la bénit et demanda si cette petite était chrétienne. L'enfant ne paraissait point effrayé et souriait au vieux solitaire. Celui-ci, interrogé par les deux sœurs, fit, les larmes aux yeux, l'éloge du capitaine d'Artaguette et du brave grenadier Jacques. Chelouta apprit avec peine que son frère blanc, fixé à un poste éloigné, était souffrant depuis plusieurs mois. Mila dit au missionnaire, « Chef de la barbe, n'as-tu jamais été repoussé des huttes ?»« Mon bâton, répondit le père, est toujours derrière la porte. » Chelouta servit la cassine. Quand cela fut fait, elle tira la lettre qu'elle avait mise dans son sein et pria le père de la traduire. Inexplicable contradiction du cœur humain, cette femme, qui la veille s'alarmait du silence de son mari, désirait presque maintenant la continuation de ce silence. Que contenait la lettre? Annonçait-elle le retour prochain de René? Jetait-elle quelque lumière sur le secret de Tougamise? Dissiperait-elle ou confirmerait-elle les soupçons qui s'étaient élevés contre René? Assises devant le missionnaire, les deux sœurs, fixant les yeux sur ses lèvres, écoutaient des sons qui n'étaient pas encore produits. Le père ouvre la lettre, prend sa barbe dans sa main gauche, élève de sa main droite le papier à la hauteur de ses yeux et parcourt en silence la première page. À mesure qu'il avançait dans la lecture, on voyait l'étonnement se peindre sur son visage. Chelouta était comme le prisonnier de guerre assis sur le trépied avant d'être livré aux flammes. Mila, perdant toute patience, écria « Explique-nous donc le collier. Est-ce que tu ne le comprends pas ?» Le père traduisit en natchez ce qui suit. Lettre de René à Chelouta. Au désert, la 32e neige de ma naissance. Je comptais vous attendre, au Natchez. J'ai été obligé de partir subitement sur un ordre des Sachem. J'ignore quelle sera l'issue de mon voyage. Il se peut faire que je ne vous revoie plus. J'ai dû vous paraître si bizarre que je serais fâché de quitter la vie sans m'être justifié auprès de vous. J'ai reçu de l'Europe, à mon retour de la Nouvelle-Orléans, une lettre qui m'a appris l'accomplissement de mes destinées. J'ai raconté mon histoire à Chactas et au père Souel. La sagesse et la religion doivent seules la connaître. Un grand malheur m'a frappé dans ma première jeunesse. Ce malheur m'a fait tel que vous m'avez vu. J'ai été aimé, trop aimé. L'ange qui m'environna de sa tendresse mystérieuse ferma pour jamais, sans les tarir, les sources de mon existence. Tout amour me fit horreur. Un modèle de femme était devant moi dont rien ne pouvait approcher. Intérieurement consumé de passion, par un contraste inexplicable, je suis demeuré glacé sous la main du malheur. Chelouta, il y a des existences si rudes qu'elles semblent accuser la Providence et qu'elles corrigeraient de la manie d'être. Depuis le commencement de ma vie, je n'ai cessé de nourrir des chagrins. J'emportais le germe en moi, comme l'arbre porte le germe de son fruit. Un poison inconnu se mêlait à tous mes sentiments. Je me reprochais jusqu'à ces joies nées de la jeunesse et fugitives comme elles. Que fais-je à présent dans le monde et qui faisais-je auparavant? J'étais toujours seule alors même que la victime palpitait encore au pied de l'autel. Elle n'est plus, cette victime, mais le tombeau ne m'a rien ôté. Il n'est pas plus inexorable pour moi que ne l'était le sanctuaire. Néanmoins, je sens que quelque chose de nécessaire à mes jours a disparu. Quand je devrais me réjouir d'une perte qui délivre deux âmes, je pleure. Je demande, comme si on me l'avait ravi, ce que je ne devais jamais retrouver. Je désire mourir. Et dans une autre vie, une séparation qui me tue n'en continuera pas moins l'éternité durante. L'éternité. Peut-être, dans ma puissance d'aimer, ai-je compris ce mot incompréhensible. Le ciel a su et sait encore, au moment même où ma main agitée trace cette lettre, ce que je pouvais être. Les hommes ne m'ont pas connu. J'écris, assis sous l'arbre du désert, au bord d'un fleuve sans nom, dans la vallée où s'élèvent les mêmes forêts qui la couvrirent lorsque les temps commencèrent. Je suppose, Tchelouta, que le cœur de René s'ouvre maintenant devant toi. Vois-tu le monde extraordinaire qu'il renferme ? Il sort de ce cœur des flammes qui manquent d'aliments, qui dévoreraient la création sans être rassasiée, qui te dévoreraient toi-même. Prends garde, femme de vertu, recule devant cet abîme, laisse-le dans mon sein. Père Tout-Puissant, tu m'as appelé dans la solitude, tu m'as dit « René, René, qu'as-tu fait de ta sœur ? Suis-je donc Caïn ?» Continuez au lever de l'aurore. Quelle nuit j'ai passée, Créateur, je te rends grâce. J'ai encore des forces, puisque mes yeux revoient la lumière que tu as faite. Sans flambeau pour éclairer ma course, j'errai dans les ténèbres. Mes pas, comme intelligents d'eux-mêmes, se frayaient des sentiers, à travers les lianes et les buissons. Je cherchais ce qui me fuit. Je pressais le tronc des chênes. Mes bras avaient besoin de serrer quelque chose. J'ai cru, dans mon délire, sentir une écorce aride palpiter contre mon cœur. Un degré de chaleur de plus, et j'animais des êtres insensibles. Le sein nu et déchiré, les cheveux trempés de la vapeur de la nuit, je croyais voir une femme qui se jetait dans mes bras. Elle me disait « Viens échanger des feux avec moi et perdre la vie. Mêlons des voluptés à la mort, que la voûte du ciel nous cache en tombant sur nous. Tchelouta, vous me prendrez pour un insensé. Je n'ai eu qu'un tort envers vous, c'est de vous avoir lié à mon sort. Vous savez si René a résisté, et à quel prodige d'amitié il a cru devoir le sacrifice d'une indépendance qui, du moins, n'était funeste qu'à lui. Une misère bien grande m'a ôté la joie de votre amour et le bonheur d'être père. J'ai vu, avec une sorte d'épouvante, que ma vie s'allait prolonger au-delà de moi. Le sang qui fit battre mon cœur douloureux animera celui de ma fille. Je t'aurais transmis, pauvre Amélie, ma tristesse et mes malheurs. Déjà appelée par la terre, je ne protégerai point les jours de ton enfance. Plus tard, je ne verrai point se développer en toi la douce image de ta mère, mêlée au charme de ma sœur et aux grâces de la jeunesse. Ne me regrette pas. Dans l'âge des passions, j'aurais été un mauvais guide. Tchelouta, je vous recommande particulièrement Amélie. Son nom est un nom fatal. Qu'elle ne soit instruite dans aucun art de l'Europe. Que sa mère lui cache l'excès de sa tendresse. Il n'est pas bon de s'accoutumer à être trop aimé. Qu'on ne parle jamais de moi à ma fille. Elle ne me doit rien. Je ne souhaitais pas lui donner la vie. Que René reste pour elle un homme inconnu, dont l'étrange destin raconté la fasse rêver, sans qu'elle en pénètre la cause. Je ne veux être à ses yeux que ce que je suis, un pénible songe. Tchelouta, il y a dans ma cabane des papiers écrits de ma main. C'est l'histoire de mon cœur. Elle n'est bonne à personne, et personne ne la comprendrait. Anéantissez ses chimères. Retournez sous le toit fraternel. Brûlez celui que j'ai élevé de mes mains. Semez des plantes parmi ses cendres. Rendez à la forêt l'héritage que j'avais envahi. Effacez le sentier qui monte de la rivière à la porte de ma demeure. Je ne veux pas qu'il reste sur la terre la moindre trace de mon passage. Cependant, j'ai écrit un nom sur des arbres, dans la profondeur des bois. Il serait impossible de le retrouver, qu'il croise donc avec le chêne inconnu qui le porte. Le chasseur indien s'enfuira à la vue de ces caractères gravés par un mauvais génie. Donnez mes armes à Outougamiz, que cet homme sublime fasse en mémoire de moi un dernier effort, qu'il vive. Chaque tasse me suivra s'il ne m'a devancé. Si enfin, Tchelouta, je dois mourir, vous pourrez chercher après moi l'union d'une âme plus égale que la mienne. Toutefois, ne croyez pas désormais recevoir impunément les caresses d'un autre homme. Ne croyez pas que de faibles embrassements puissent effacer de votre âme ceux de René. Je vous ai tenu sur ma poitrine, au milieu du désert, dans les vents de l'orage, lorsque, après vous avoir porté de l'autre côté d'un torrent, j'aurais voulu vous poignarder pour fixer le bonheur dans votre sein et pour me punir de vous avoir donné ce bonheur. C'est toi, être suprême, source d'amour et de beauté. C'est toi seul qui me créa tel que je suis, et toi seul me peux comprendre. Oh, que ne me suis-je précipité dans les cataractes, au milieu des ondes écumantes. Je serais rentré dans le sein de la nature, avec toute mon énergie. Oui, Tchelouta, si vous me perdez, vous resterez veuve. Qui pourrait vous environner de cette flamme que je porte avec moi, même en n'aimant pas? Ces solitudes que je rendais brûlantes vous paraîtraient glacées auprès d'un autre époux. Que chercheriez-vous dans les bois et sous les ombrages? Il n'est plus pour vous d'illusion, d'enivrement, de délire. J'ai tout ravi en te donnant tout, ou plutôt en ne te donnant rien, car une plaie incurable était au fond de mon âme. Ne crois pas, Tchelouta, qu'une femme à laquelle on a fait des aveux aussi cruels, pour laquelle on a formé des souhaits aussi odieux que les miens, ne crois pas que cette femme oublie jamais l'homme qui l'aima de cet amour ou de cette haine extraordinaire. Je m'ennuie de la vie. L'ennui m'a toujours dévoré. Ce qui intéresse les autres hommes ne me touche point. Pasteur ou roi, qu'aurais-je fait de ma houlette ou de ma couronne? Je serais également fatigué de la gloire et du génie, du travail et du loisir, de la prospérité et de l'infortune. En Europe, en Amérique, la société et la nature m'ont lassé. Je suis vertueux sans plaisir. Si j'étais criminel, je le serais sans remords. Je voudrais n'être pas né ou être à jamais oublié. Que ce soit ici un dernier adieu ou que je dois vous revoir encore, Tchelouta, quelque chose me dit que ma destinée s'accomplit. Si ce n'est pas aujourd'hui même, elle n'en sera que plus funeste. René ne peut reculer que vers le malheur. Regardez donc cette lettre comme un testament. La lecture était achevée que Tchelouta ne relevait point sa tête, qui s'était penchée sur son sein. Toute la sagacité de Mila n'avait pas suffi pour expliquer le collier. Toute la religion du missionnaire n'avait pu pénétrer le sens de la lettre. Mais le cœur d'une épouse l'avait mieux compris. Rien n'est intelligent comme l'amour malheureux. Tchelouta apprenait qu'elle n'était point aimée, qu'un lien paternel ne lui avait pas même attaché René, qu'il y avait dans l'âme de cet homme du trouble, presque du remords, et qu'il se repentait d'un malheur comme on se repentirait d'un crime. Tchelouta releva lentement son front abattu. « Allons, dit-elle, mon mari est encore plus infortuné que je ne le supposais. Un méchant esprit l'a persécuté. Je dois être son bon génie. » Le religieux rendit la lettre à l'Indienne en lui disant « Souffrir est notre partage. La nouvelle alliance que Jésus-Christ a faite avec les hommes est une alliance de douleur. C'est de son sang qu'il l'a scellée. Je vais prier pour vous. » Le missionnaire tomba à genoux et les mains jointes, il répéta dans la langue des Natchez l'oraison dominicale. Le calme de cette prière fut une espèce de baume répandu sur une plaie vive. Quand le père prononça ces mots « Délivrez-nous du mal », les deux femmes sanglotèrent d'attendrissement. Alors le religieux, se relevant avec peine, ramena son froc sur sa tête grise, traversa la cabane d'un pas grave, reprit son bâton à la porte et alla, aussi rapidement que le lui permettait sa vieillesse, consoler d'autres adversités. Mila, qui portait toujours Amélie, la rendit à Tchelouta. Celle-ci la reçut en la couvrant de baisers et en fondant en larmes. Mila, qui devinait sa sœur, lui dit « Tu l'aimeras pour toi, toi qui es sa mère. Moi, je l'aimerai pour son père. » Mais Mila se sentait aussi un peu découragée. Qui avait donc pu trop aimer René? Quand on arracherait le guerrier blanc à la mort, que gagnerait-on à cela, puisqu'il ne voulait pas vivre? Mila, ne s'arrêtant pas longtemps à ses réflexions et revenant à son caractère, « C'est assez pleurer pour un collier obscur, mal interprété, que nous ne comprenons, ni toi, ni moi, ni le père de la barbe. Le danger est à la porte de notre cabane. Pourquoi mêler à des peines véritables des peines chimériques? Entre la réalité du mal et les songes de nos cœurs, nous ne saurions où nous tourner. Occupons-nous du présent, nous penserons une autre fois à l'avenir. Découvrons le secret, sauvons René, et quand nous l'aurons sauvé, il faudra bien qu'il s'explique. » « Tu as raison, dit Tchelouta, sauvons mon mari. » Mila prit Amélie dans ses bras, puis la rendant encore à sa mère. « Tiens, dit-elle, je désirais avoir un petit guerrier. Je n'en veux plus, garde ta fille. Elle te préfère à moi quand elle pleure. Elle me préfère à toi quand elle rit. Ne dirait-on pas que le collier lui fait aussi verser des larmes ?» Mila sortit pour aller à la découverte du secret. René avait écrit une autre lettre au Sachem pour leur annoncer que les Illinois ne paraissaient pas encore disposés à recevoir le calumet de paix. Plus heureux dans sa mission, Chactas avait tout obtenu des Anglais de la Géorgie. Il se disposait à revenir. Le tuteur du soleil espérait que le vieillard serait mort avant de revoir sa cabane. On racontait qu'il touchait à sa fin. La femme chef, attendant la tête de sa rivale, laissait en apparence Ondouré plus tranquille. Mais elle le surveillait avec toute l'activité de la jalousie. Le sauvage, craignant toujours de se trahir, n'échappait au péril qu'à l'aide de précautions dont il lui tardait de se délivrer. D'un autre côté, il était difficile que le secret d'une conjuration connue de tant de monde ne transpirât pas au dehors. De temps en temps, il s'élevait des bruits dont tout commandant moins prévenu que celui du fort Rosalie eût recherché la source. Le gouverneur général avait écrit à Shepard de ne pas se laisser trop rassurer par la concession des terres. Une lettre d'Adélaïde adressée à René s'étant trouvée dans les dépêches, Honduré, que Febriano instruisait de tout, s'empressa d'annoncer une nouvelle trahison du fils adoptif de Chactas. Mais, en même temps, pour achever de tromper le commandant et pour avoir l'air de ne s'occuper que de plaisir, il ordonna une chasse aux buffles de l'autre côté du Mechasebe. Mila n'eut pas plus tôt appris cette nouvelle qu'elle dit à Tchelouta « Il nous faut aller à cette chasse où se trouveront toutes les matrones. Je veux que le jongleur m'apprenne aujourd'hui même le secret. » Tchelouta consentit tristement à suivre Mila. Elle doutait du succès de sa jeune amie, qui refusait de dire le moyen dont elle se comptait servir pour faire parler le jongleur. Le jour de la chasse arrivé, les deux sœurs partirent ensemble. Elles marchaient seules, hors de la foule, car tout le monde les fuyait, comme on fuit les malheureux. On s'embarque dans les canots, on traverse le fleuve, on descend sur l'autre rive, on entre dans les savanes parsemées d'étangs d'une eau saumâtre, où les buffles viennent lécher le sel. Divisés en trois bandes, les chasseurs commencent l'attaque. On voyait bondir les buffles au-dessus des grandes forêts de cannes de plus de 15 pieds de hauteur. Mila avait quitté Tchelouta. Elle s'était attachée au pas du jongleur, qui prononçait des paroles afin d'amener les victimes sous la lance des guerriers. Un buffle blessé fond tout à coup sur le magicien qui prend la fuite. Le buffle est arrêté par les chasseurs, mais le prêtre continue à s'enfoncer dans les cannes et, entendant courir derrière lui, il fuit encore plus vite. Ce n'était pourtant que Mila qui volait sur ses traces comme les colibris volent sur la cime des roseaux. Elle appelle le jongleur, celui-ci tourne enfin la tête et, reconnaissant une femme, il se précipite à terre tout haletant. « Je t'assure, dit Mila, en arrivant à lui, que j'ai eu autant de peur que toi. Je te suivais parce que tu m'aurais sauvé. D'une seule parole, tu aurais fait tomber le buffle mort à tes pieds. » « C'est vrai, dit le jongleur, reprenant un air solennel, mais que j'ai soif. » Mila portait à son bras une corbeille, dans cette corbeille un flacon et une coupe. « Le grand esprit m'a bien inspiré, s'écria Mila. J'ai par hasard ici de l'essence de feu, eau de vie, note de l'auteur. Ah, bon génie, si un homme comme toi allait mourir, que deviendraient les Natchez ?»« Mila, dit le prêtre, essuyant son front et se rapprochant de la malicieuse enchanteresse, « tu m'as toujours semblé avoir de l'esprit comme une hermine. »« Et toi, dit Mila, versant l'essence de feu dans la coupe, tu m'as toujours paru beau comme le génie qui préside aux chasses, comme le grand lièvre honoré dans les forêts. » Le prêtre vida la coupe. Les sauvages, passionnés pour les liqueurs de l'Europe, recherchent les fumées de l'ivresse comme les peuples de l'Orient les vapeurs de l'opium. « Je ne t'avais jamais vu de si près, » dit Mila, remplissant de nouveau la coupe et la présentant à la main avide du jongleur. « Que tu es beau, que tu es beau. On dit que tu parles tant de langues. Est-ce que tu entends tout ce que tu dis ?» Triplement enivré de vin, d'amour et de louanges, le prêtre commençait à faire parler ses yeux. Mila remplit encore la coupe, la porte de sa main droite aux lèvres du jongleur, et, appuyant doucement sa main gauche sur son épaule, semble regarder avec admiration sa victime déjà séduite. Le lieu était solitaire, les roseaux élevés. « Mila, dit le jongleur. « Que veux-tu ? Dit l'Indienne, affectant un air troublé et un peu honteux. « Approche-toi, repartit le prêtre. Mila parut se vouloir défendre. « N'aie pas peur, dit le prêtre, je puis répandre la nuit autour de nous. » « C'est pour cela que j'ai tant de peur, » répondit Mila. « Tu es un si grand magicien. » Le prêtre, prenant Mila dans ses bras, l'attira sur ses genoux. « Bois donc à ton tour, charmante colombe, » dit-il. « Moi ? » s'écria Mila. Elle feignit de porter la liqueur à sa bouche, tandis que le prêtre, tournant la coupe, cherchait à boire sur le bord que les lèvres de Mila avaient touché. Le jongleur commençait à sentir les effets du poison, les objets flottaient devant ses yeux. « Ne vois-je pas, dit-il à Mila, une grande cabane ?» C'étaient des roseaux agités par le vent. « Oui, dit Mila, c'est la cabane où les sachem sont rassemblés pour délibérer sur la mort de René. C'est étonnant, repartit le prêtre balbutiant, car ce n'est pas encore si tôt. Le cœur de Mila tressaillit, elle pressa involontairement le jongleur qui la serra à son tour dans ses bras. « Pas encore si tôt, dit Mila, mais c'est la 12e nuit, pendant la lune des chasses, dit le prêtre. Je croyais, répondit Mila, que c'était la 13e. Je sais mieux cela que toi, repartit le jongleur. Il y a 12 roseaux dans la gerbe, nous en retirons un chaque nuit. C'est fort bien imaginé, dit Mila, et René sera tué quand tu retireras le dernier. Oui, dit le prêtre, il sera tué le premier de tous. Le prêtre voulut ravir un baiser à Mila qui, au lieu de ses lèvres, lui présenta l'essence de feu. J'aimerais mieux l'autre coupe, dit le jongleur. Mais, reprit Mila, tu dis que René sera tué le premier de tous. On tuera donc d'autres chairs blanches ? Eh, certainement, dit le jongleur, riant de la simplicité de Mila. Cela sera d'autant plus admirable qu'ils seront assemblés comme un troupeau de chevreuils pour regarder les grands jeux. Oh, comme j'y danserai avec toi, s'écria Mila, appliquant, avec le dégoût de la nature, mais l'exaltation de l'amitié, un baiser sur le front du jongleur. Je n'avais pas entendu parler de ces grands jeux. J'aime tant les jeux. Toutes les nations qui ont juré le secret, dit le jongleur, se rendront au Natchez, où Tougamise le simple a juré comme les autres. Nous le forcerons de tuer son René. Mila se lève, s'arrache au bras du prêtre, qui tombe et dont le front va frapper la terre. Cet homme eut une idée confuse de la faute qu'il venait de commettre, mais, l'ivresse l'emportant, il s'endormit. Mila chercha Telluta. Elle l'aperçoit, seule, assise à l'écart. Elle lui dit « Tout est découvert. Les Blancs seront massacrés au grand jeu. Ton mari périra le premier. » L'épouse de René est prête à s'évanouir. Son amie la soutient. « Du courage, » dit-elle. « Il faut sauver René. Je cours au fort avertir Shepard. Toi, va chercher Outougamise. » « Arrête !» s'écrie Tchelouta. « Qu'as-tu dit ? Avertir Shepard ? Malheureuse ! Ton pays !» Ces mots retentissent dans le cœur de Mila, immobile. Elle fixe ses regards sur sa sœur, puis s'écrie « Périsse la patrie qui a pu tramer un complot si odieux ! Ce n'est plus qu'un repaire d'assassins. Je cours les dénoncer !» Tchelouta frémit. « Mila, » dit-elle, « songe à ta mère, à ton père, à moi, à Outougamise. Ne vois-tu pas qu'en prévenant un massacre, tu ne le fais que changer en un meurtre beaucoup plus terrible pour toi ? » Mila frémit. Elle n'avait pas aperçu cet autre péril. Mais tout à coup, je ne m'attendais pas, lorsqu'il s'agissait de la vie de René, que tu serais si calme, que tu balancerais prudemment comme un sachem le bien et le mal. « Femme, reprit Tchelouta avec émotion, quel que soit ton cœur, tu ne m'apprendras pas à aimer. Mais ne crois pas non plus m'aveugler. Je serai maintenant aussi malheureuse que mon frère et aussi discrète que lui. Je sais mourir de douleur. Je ne sais pas perdre ma patrie. » Mila embrasse Tchelouta. « Pardonne-moi, dit-elle, je suis trop au-dessous de toi pour te juger. » Mila raconte à sa sœur comment elle a surpris la foi du jongleur. Tchelouta blâme doucement son amie. « On ne fait pas impunément ce qui n'est pas bien, lui dit-elle. Quand il n'y aurait que le tourment du secret que tu viens d'apprendre, secret dont tu réponds à présent devant ton pays, ne serais-tu pas déjà assez puni ? » Mila et Tchelouta se déterminèrent à aller trouver Outougamise. Elles le rencontrèrent sur le bord du fleuve, loin de la chasse, à laquelle ils n'avaient pris aucune part. En voyant s'avancer les deux femmes, Outougamise, pour la première fois, fut tenté de s'éloigner. Que pouvait-il leur dire ? N'était-il pas aussi malheureux qu'elle ? Tchelouta lui dit en l'abordant, « Ne nous fuis pas, nous ne te demandons plus rien, nous connaissons tes malheurs. Mon frère, je ne t'accuse plus, je t'admire, tu es le génie de la vertu comme celui de l'amitié. » Outougamise ne comprit pas sa sœur. « Pleurons tous trois, dit Mila, nous savons tous trois le secret. » « Vous savez le secret ? » s'écrie d'une voix formidable le jeune Indien. « Qui vous l'a dit ? Ce n'est pas moi, je n'ai pas menti au grand esprit, je n'ai pas violé le serment des morts. « Je n'ai pas tué la patrie !» Et plein de l'effroi du parjure, il échappe aux bras dans lesquels il eût voulu mourir. Mila vole sur ses pas sans le pouvoir rejoindre. Tchelouta, abandonné, se jette dans une pirogue avec des chasseurs qui repassaient le fleuve et regagnent sa cabane. Un ami qui disparaît au moment d'un grand danger laisse un vide immense. Tchelouta appelle sa sœur en approchant de sa demeure. « Aucune voix ne lui répond. Mila n'était point rentrée sous le toit fraternel. Tchelouta pénètre dans la cabane, elle en parcourt les différents réduits, revient à la porte, regarde dans la campagne et ne voit personne. Accablée de fatigue, elle s'assied près du foyer, tenant sa fille dans ses bras. Là, se livrant à ses pensées, elle est encore moins oppressée par le péril du moment que par le souvenir de la lettre de René. La sœur de Tougamise n'était point aimée, elle ne le serait jamais. Et c'était celui qu'elle adorait, celui qu'elle cherchait à sauver aux dépens de ses jours, qui lui avait fait ce barbare aveu. Tchelouta se trouvait tout à coup jetée hors de la vie. Elle sentait qu'elle s'enfonçait dans une solitude comme l'être mystérieux qui avait trop aimé René. Le Mohokaoui chanta le coucher du soleil. Le poids parfumé de la Virginie éclata à la première veille de la nuit. La fin de la nuit fut annoncée par le cri de la cigogne, et l'ami de Tchelouta ne revint pas. L'aube ouvrit les barrières du ciel sans ramener la nymphe, sa compagne fidèle. Couronnée de fleurs, Mila paraissait chaque matin comme la plus jeune des heures. Précédant les pas de l'aurore, elle semblait lui donner ou tenir d'elle ses charmes et sa fraîcheur. Quand Tchelouta vit poindre le jour, ses alarmes augmentèrent. Que pouvait être devenue sa sœur? Une pensée se présente à l'esprit de la fille de Tabamika. En demeurant avec Tchelouta, Mila n'habitait point sa propre cabane. La cabane de Mila était celle d'Outougamise. N'était-il pas possible qu'Outougamise eût voulu retourner à ses foyers et que son épouse y fût rentrée avec lui? Tchelouta passa à son cou l'écharpe où était suspendu un léger berceau. Elle place dans le berceau cet enfant voyageur qui souriait par-dessus l'épaule de sa mère. Elle sort, elle arrive bientôt au toit qui lui rappelle de si doux et de si tristes souvenirs. C'était là qu'elle habitait, avec Outougamise, lorsque René la vint visiter. C'était par la porte entr'ouverte de cette cabane qu'elle avait aperçu l'étranger, dans le buisson d'Azaléa. Comme le cœur lui battit, lorsque le guerrier blanc s'assit auprès d'elle, avec quelle délice elle prépara le festin du serment de l'amitié. Qu'ils sont déjà loin, ces jours qui virent naître un amour si tendre. Doux enchantement du cœur, projet d'un bonheur sans terme et sans mesure, qu'êtes-vous devenu? Cabane qui protégeât la jeunesse d'Outougamise et de Tchelouta, serez-vous changé comme vos maîtres? Aurez-vous vieilli comme eux? Oui, cette cabane n'était plus la même. Depuis longtemps inhabitée, elle était vide et sans génie tutélaire. Quelques petits oiseaux y faisaient leur nid et l'herbe croissait alentour. Environnée d'assassins, abandonnée de tous ses amis, livrée sans défense à l'amour impur du tuteur du soleil, accablée du malheur et de l'indifférence de René, Tchelouta ne désirait plus qu'une tombe pour s'y reposer à jamais. Comme elle s'éloignait de la cabane où elle n'avait trouvé personne, elle aperçut Adario qui cheminait lentement, traînant ses lambeaux et s'appuyant sur le bras d'Outougamise. Elle fut frappée de terreur en remarquant que Mila n'était pas avec eux. Le vieillard penchait vers la terre, le poids du chagrin paternel avait enfin courbé ce front inflexible. Adario n'était plus qu'un mort resté quelques jours parmi les vivants pour se venger. Tchelouta s'avança vers lui. « Te voilà, ma fille, » lui dit-il d'une voix pleine d'une douceur inaccoutumée. « J'allais chez toi, mais puisque nous sommes auprès de la cabane de ton frère, arrêtons-nous là. » Le vieux chasseur commence à trouver la course un peu longue. Il se repose partout où il rencontre un abri. Touché du changement du vieillard et attendri par sa bonté, Tchelouta entra avec son frère et son oncle dans la cabane déserte. Ils furent obligés de s'asseoir sur le sol humide. « C'est ma couche de tous les jours, » dit Adario. « Il faut que je m'habitue à la terre. » Incertain pour la première fois de sa vie, le sachem avait l'air de rassembler ses pensées, de chercher ses paroles. Outougamise, se réveillant comme d'un songe et reconnaissant le lieu où il était, dit, en secouant la tête, « Adario, tu n'es pas prudent de m'avoir amené ici. Tu veux que je tue René, et c'est ici même que je lui ai juré une amitié éternelle. J'ai juré depuis, il est vrai, que je le tuerai. Mais dis-moi, auquel des deux serments dois-je être fidèle? N'est-ce pas au premier ?» « C'est à ta patrie que tu as fait le dernier, » répliqua Adario, « et tu l'as prononcé sur les os de tes aïeux. »« Sur des ossements apportés par le jongleur, » répondit Outougamise, « mais étaient-ce ceux de mes ancêtres ? J'ai voulu connaître la vérité. Je suis allée cette nuit sur la tombe de mon père. Je me suis couchée sur le gazon. J'ai prêté l'oreille. Mon père était dans sa tombe, car je l'entendais creuser avec ses mains pour venir vers moi. La couche de poussière entre nous deux n'était pas plus épaisse qu'une feuille de platane. Je sentais mon cœur refroidir à mesure que le cœur du mort s'approchait de ma poitrine. Il me communiquait ses glaces. J'étais calme et heureux. C'était comme le sommeil. « Insensé !» s'écria Dario. « Ton amitié t'égare !»« Pour ce mot-là, » dit Outougamis, « ne le prononce jamais, Adario. Tu n'entends rien à l'amitié. Si tu voulais appeler encore mon père en témoignage contre moi, tu te tromperais, car il a reçu mon serment d'amitié dans cette cabane, ainsi que cette femme que tu ne daignes seulement pas regarder et qui pleure. Je vois René. Il vient réclamer en ce lieu même le serment que je lui ai fait. Le Manitou d'or s'agite sur ma poitrine. Non, mon ami, non, mon frère, je ne renie point mon serment. Approche, que je le renouvelle entre tes mains, entre celles de ma sœur. Je te jure. Impie ! S'écria Dario, lui portant une main ridée à la bouche. Crains que la terre ne te dévore comme l'onde a englouti Mila. Mila ? Dirent à la fois le frère et la sœur. Oui, Mila, répéta Dario d'une voix inspirée. Elle a su le secret, et elle a péri. Outougamis reste pétrifié. Tchelouta inonde la terre de ses larmes. Adario, un bras levé entre son neveu et sa nièce, semble encore proférer le mot qui vient de les anéantir. Elle a péri. Outougamis se lève, prend sa sœur par la main, la contraint de se lever, la regarde quelque temps en silence et lui dit « Il ne sera plus aimé, René, le seul cœur qui t'aima encore, le seul qui te voulut sauver, le seul qui protesta de ton innocence, a cessé de battre. Car ma sœur et moi nous doutons. Nous sommes sans force. Nous ne savons nous décider, ni pour la patrie, ni pour l'amitié. Tchelouta, j'ai perdu ma femme. Tu as perdu ta compagne, celle qui t'a suivi à la cité des Blancs, qui t'a soigné dans mon absence, qui t'a soutenu dans l'absence de cet autre que nous allons tuer. Mila morte, René mort, sa petite fille va bientôt mourir, Chactas qui s'en va aussi. Tchelouta, resterons-nous seuls ? Tchelouta ne pouvait répondre. Outougamis se tourne vers Adario, toujours assis à terre. Il lève son casse-tête et dit « Qui a tué Mila ?»« Attends en sic, » répond froidement Adario. L'esprit de malheur l'a saisi. Elle s'est elle-même précipitée dans le fleuve. « Si je savais, » reprit le jeune sauvage les dents serrées, « qu'un homme eût porté la main sur Mila, fût-il mon propre père. Et puis j'irai trouver Shepard et me mettre à la tête des chairs blanches. » Adario, se levant indigné et secouant ses lambeaux, « J'ai cru, infâme, que tu n'en voulais qu'à mes cheveux blancs. Je te les livrais avec joie, afin de t'engager à garder le secret, à sauver la patrie. Je me disais, il lui faut une libation de sang pour satisfaire au premier serment qu'il a fait, qu'il la puise à mes veines. Mais que l'ombre même de la pensée de trahir ton pays ait pu passer dans ton lâche cœur. Retire-toi, scélérat, je te vais livrer au Sachem, qui te voulait faire périr avec ta sœur lorsqu'ils ont appris l'indiscrétion du prêtre. J'avais juré de votre vertu, et je m'étais engagé pour elle. Je venais demander à Tchelouta le serment du secret. Vous êtes deux traîtres. « Et je vous abandonne. » Adario fait un mouvement pour se retirer. Tchelouta l'arrête. « Désespérée de moi, lui dit-elle, mais non pas d'Outougamis. « Et pourquoi, dit celui-ci, veux-tu qu'il espère de moi ? Oui, je sauverai mon ami si l'on ne me prévient par sa mort. » « Allons, dit Adario, épouse fidèle, ami généreux, révélez le secret à René, livrez ensuite votre pays aux étrangers, mes dignes enfants. Songez qu'avant cette victoire, il faut avoir incendié nos cabanes, il faut avoir égorgé vos proches et vos amis, il faut avoir arraché un à un les cheveux de la tête d'Adario, il faut avoir fait de son crâne la coupe du festin de René. » Pendant ce discours affreux, Tchelouta et Outougamis ressemblaient à deux spectres. Adario s'approche de sa nièce. « Ma Tchelouta, lui dit-il, faut-il qu'Adario tombe à tes pieds ? Parle ! Et tu le verras à tes genoux, celui qui n'a jamais fléchi devant personne. Mon enfant, René doit mourir quelque jour, puisqu'il est homme. Mais ta patrie, si tu le veux, ta patrie peut être immortelle. Ta cousine, ma pauvre fille, n'a-t-elle pas perdu son fils unique, et ne sais-tu pas par quelle main? N'ai-je pas arraché ma postérité pour qu'elle ne poussât pas des racines dans une terre esclave? Regarde-moi, et ose dire qu'il ne m'en a rien coûté. Ose dire que mes entrailles déchirées ne saignent plus, que la plaie que je leur ai faite est guérie. S'il reste des enfants libres, Natchez, Tchelouta, ils te devront leur liberté. Ils te souriront dans les bras de leur mère. Les bénédictions t'accompagneront quand tu traverseras les villages de ta patrie. Les sachems se rangeront avec respect sur ton passage. Ils s'écrieront « Faites place à Tchelouta ». Ces moissons florissantes, c'est toi qui les auras semées. Ces cris de joie et d'amour, c'est toi qui les exciteras. Qu'est-ce que le sacrifice et une passion que le temps doit éteindre auprès de ces plaisirs puisés dans la plus grande des vertus? Peux-tu balancer? Peux-tu consentir à n'être qu'une femme vulgaire dans ta passion, qu'une femme criminelle dans ta conduite, quand tu peux te donner en exemple à l'univers? Outougamise avait écouté dans un sombre silence. Tchelouta paraissait suspendue entre la mort et la vie. « Que veux-tu de moi ? » dit-elle d'une voix tremblante. « Un serment pareil à celui de ton frère, » répond Adario. « Jure entre mes mains que tu garderas le secret, que tu ne le révéleras pas au coupable qui le divulguerait, à un homme dont tu ne possèdes pas même l'amour et qui te trahissait comme la patrie. » Ces mots entrèrent profondément dans le cœur de Tchelouta. Mais la noble créature, s'élevant au-dessus de son malheur, répondit « Pourquoi supposes-tu que je ne possède pas le cœur de mon époux? Crois-tu par là me déterminer à l'immoler à ma tendresse méconnue? Si René ne m'aime pas, c'est que je ne suis pas digne de lui. C'est une raison de plus de le sauver, et par mon dévouement de mériter son amour. » Elle s'arrête, car ses larmes qu'elle avait retenues et qui coulaient intérieurement l'étouffaient. « Adario, reprit-elle, tu es ingrat. René, à la cité des Blancs, proposa sa tête pour la tienne. » « Ne crois pas à ce mensonge, » dit Adario en l'interrompant. « Cette scène était arrangée entre nos ennemis pour nous inspirer plus de confiance dans un traître. » « Malheureux René, » s'écria Tchelouta, « quel fatal génie fait méconnaître jusqu'à ta vertu. » « Tchelouta, » dit Adario, « le temps s'écoule, les jeux vont être proclamés, et tu es ami ou ennemi. Déclare-toi, range-toi du côté des Blancs, ou jure le secret. » La sœur d'Outougamise regarde autour d'elle. Elle croit entendre des voix lamentables sortir des bocages de la mort. La fille de René gémit dans son berceau. Après quelques moments de silence, « Voici l'arrêt, » dit Tchelouta. « Adario et Outougamise, écoute. Mon frère a pu jurer parce qu'il ne savait pas à quoi l'engageait son serment. Moi, qui connais d'avance les conséquences de ce serment, je serais une femme dénaturée si je le prononçais. Je ne jurerais donc point. Mais pour te consoler, Adario, sache que si ma vertu ne me fait garder le secret, tous les serments de la terre seraient inutiles. » En prononçant ces mots, Tchelouta parut transfigurée et rayonnante. « C'est assez !» s'écria Adario, pressant sur son sein la main de cette femme. « Je suis satisfait. Les sachems le seront. » Tu viens de faire un serment plus redoutable que celui que je te demandais. » Adario retourne au conseil des sachems et Outougamise prête encore au vieillard l'appui de son bras. Tchelouta reprend le chemin de la cabane de René. Son âme était comme un abîme où les chagrins d'hiver roulaient confondus. La plaie la plus récente devint peu à peu la plus vive lorsque l'épouse de René, descendue au fond de son cœur, commença à débrouiller le chaos de ses souffrances. Celle que lui causait la perte de Mila se fit cruellement sentir. Tchelouta se représentait tout ce que valait sa sœur. Quelle inépuisable gaieté avec un cœur profondément sensible. L'oiseau chantait moins bien que Mila, et elle aimait mieux. Les peines même qu'elle donnait étaient mêlées de plaisir, et elle donnait tant de plaisir sans mélange de peine. Ses cheveux charmants sont maintenant souillés dans les limons du fleuve. Cette bouche que l'amour semblait entr'ouvrir est remplie de sable. Cette femme qui était toute âme il y a quelques heures, cette femme que la vie animait de toute sa mobilité, maintenant froide, fixée à jamais dans les bras de la mort. Qu'elle a été vite oubliée, la tendre amie qui n'existait que pour ses amis. Sa famille n'y pense déjà plus. Outougamise même a été entraînée ailleurs. Personne ne rendra les honneurs funèbres à la jeune, à l'innocente, à la courageuse Mila. » Ces réflexions auxquelles s'abandonnait Tchelouta en retournant à sa cabane la firent changer de route. Elle chemina vers le fleuve pour y chercher le corps de son amie. Tchelouta avait injustement accusé son frère. Outougamiz n'avait point oublié Mila. Après avoir reconduit Adario, il descendit au rivage du Mechasebe. Il regarda d'abord passer l'eau et côtoya ensuite le fleuve, attentif à chaque objet que le courant entraînait. Il crut ouïr un murmure. « Est-ce toi qui parles, Mila ? » dit-il. « Es-tu maintenant une vague légère, une brise habitante des roseaux ? Te joues-tu, poisson d'or et d'azur, à travers les forêts de corail ? Mobile hirondelle, traces-tu des cercles à la surface du fleuve ? Sous ta robe de plumes, d'écailles ou de cristal, ton cœur aime encore et plein René. » Un jeune magnolia que le Mechasebe avait environné dans sa dernière inondation fixa longtemps les regards d'Outougamiz. Il lui semblait voir Mila debout dans l'onde. Outougamiz s'assit sur la rive. « Pourquoi, dit-il, Mila, ne me réponds-tu pas, toi qui parlais si bien ? Quand tu pleurais, René, tes yeux étaient comme deux perles au fond d'une source. Ton sein, mouillé de larmes, était comme le duvet blanc du jonc sur lequel le vent a fait jaillir quelques gouttes d'eau. Tu étais tout mon esprit. À présent que je suis seule, je ne saurais comment enlever mon ami au sachem. Puis, tu étais si sûre de son innocence. » Mila, avant de disparaître, avait dit au frère et à la sœur qu'il cherchait des moyens extraordinaires de sauver René, tandis qu'il y en avait un tout naturel auquel il ne songeait pas. C'était d'aller au-devant du guerrier blanc, de le retenir loin des Natchez autant de jours qu'il serait nécessaire pour le soustraire au péril. Mila avait ajouté que si René résistait, il l'attacherait au pied d'un arbre, car elle mêlait toujours les raisons de l'enfance aux inspirations de l'amour et aux conseils d'une sagesse prématurée. Outougamiz, au bord du fleuve, se souvint du dernier conseil de Mila. « Tu as raison, » s'écria-t-il. Il jette au loin tout ce qui peut retarder la rapidité de sa course, et, trompant la vigilance des aloès, attachés à ses pas, il vole comme une flèche lancée par la main du chasseur. À peine avait-il quitté le fleuve que Tchelouta parut sur le rivage. Elle s'arrêtait à chaque pas, regardait parmi les roseaux, s'avançait sur la dernière pointe des promontoires, cherchait, comme on cherche un trésor, la dépouille de sa jeune amie. Elle ne trouva rien. « Le Mechasebe est aussi contre nous, » dit-elle, et elle retourna à sa cabane, épuisée de fatigue et de douleur. Revenu de son ivresse, le jongleur avait conservé le sentiment confus de son indiscrétion. Il courut en faire l'aveu au tuteur du soleil. Ondouré, après s'être emporté contre le prêtre, se hâta de rassembler le conseil. Il déclara qu'il était très probable que Mila, instruite du secret, l'aurait révélé à Tchelouta. Il annonça en même temps au sachem qu'il n'y avait plus rien à craindre de Mila, car déjà elle n'existait plus. Adario s'opposa à tout arrêt de sang contre sa nièce, et s'engagea à obtenir d'elle un serment qu'elle tiendrait aussi religieusement qu'Outougamiz. Les vieillards cédèrent au désir d'Adario. Il fut pourtant résolu que si le frère et la sœur laissaient échapper la moindre parole, on les immolerait à la sûreté de tous. On mit aussi en délibération la mort immédiate de René, en cas qu'il revînt avant le jour du massacre. Mais Adario fit remarquer que si l'on frappait ce traître isolément, on alarmerait les Blancs, ses complices, qu'on s'exposerait surtout aux effets du désespoir d'Outougamiz et de Tchelouta, lorsque ce désespoir pourrait encore nuire à l'exécution générale du complot. On trouva donc plus prudent de laisser les choses telles qu'elles étaient et de ne faire aucun mouvement. Il ne manquait au succès des plans d'Ondouré que la mort de Chactas, et les divers messagers commençaient à apporter la nouvelle de cette perte irréparable. Quant à la profanation de Tchelouta dans les bras d'un monstre, Ondouré se croyait déjà sûr de sa proie. Ses ressorts si compliqués, ses plans si tortueux, cette double intrigue dans le conseil aux Natchez et dans le conseil au fort Rosalie, cette trame si laborieusement ourdie et néanmoins si fragile, tout avait été imaginé et conduit par Ondouré, afin de satisfaire une passion criminelle et d'atteindre, par le triomphe de l'amour, au plus haut degré de l'ambition. Mais l'excès de l'orgueil et de la joie fut encore au moment de perdre Ondouré. Il ne put s'empêcher d'aller insulter sa victime. Délivré de la présence de Mila, il osa paraître dans la solitude sacrée de Tchelouta. Il osa prononcer des paroles de tendresse à la plus misérable des femmes, à celle dont presque tous les malheurs étaient son ouvrage. Andouré oubliait que la jalousie comptait ses pas et qu'il pouvait être puni par la passion même, cause première de tous ses crimes. Fin de la section 18.